je dois t'appeler mon sang. J'suis perdu, mais bon, j'fais preuve de bon sens. J'peux tout perdre, mais ouais, j'suis conscient. J'ai pas la belle vie, j'suis pas trop content. Si j't'aime pas, j'vais pas me forcer à rester avec toi. Quand j'avance, moi, tu sais que c'est toujours avec foi. Tu me dis mon frère, rien qu'à mi, c'est un grand mot. Tu me dis, j'suis là, arrête de me prendre pour un chameau. Sans tous jouer avec mon cœur, c'est gros salaud. Chasse le naturel, il revient au galop. Gentil mais plus trop, pensif dans le Q3. On s'appelle plus trop, mais hier il manquait plus que toi. Gentil mais plus trop, pensif dans le Q3. On s'appelle plus trop, mais hier il manquait plus que toi. Saoulé, saoulé, j'finis solo, solo. J'ai l'impression qu'on me met la tête sous l'eau, sous l'eau. Des pets sur le polo, polo. Ça veut mon buzz, ça passe à tout le boulot, boulot. Saoulé, saoulé, j'finis solo, solo. J'ai l'impression qu'on me met la tête sous l'eau, sous l'eau. Des pets sur le polo, polo. Ça veut mon buzz, ça passe à tout le boulot, boulot. J'ai pas pris de nouvelles depuis, gros, pour moi c'est pas rien. J'crois bien que c'est pour ça que la vie nous a séparés. Alors qu'il est, j'fais les 100 pas comme en cellule. J'peux même plus sortir, j'te raconte pas comment c'est nul. J'ai tout coupé, plus personne qui rentre dans ma bulle. J'recompte mes erreurs avec un pétou sous la lune. Et notre histoire, c'est comme un puissant fond. On se fait du mal et puis on s'enfonce. J'te jure j'ai tout fait pour oublier les tensions. Quand ça va pas on se prête plus d'attention. J'suis devenu sauvage, y'a rien qui me soulage. Les rats sont partis parce que le bateau a fait naufrage. Saoulé, saoulé, j'finis solo, solo. J'ai l'impression qu'on me met la tête sous l'eau, sous l'eau. Des pets sur le polo, polo. Ça veut mon buzz, ça passe à tout le boulot, boulot. Saoulé, saoulé, j'finis solo, solo. J'ai l'impression qu'on me met la tête sous l'eau, sous l'eau. Des pets sur le polo, polo. Ça veut mon buzz, ça passe à tout le boulot, boulot. L'impression que je vis un rêve éveillé. Mais ça c'est que quand je dors, après on vient toujours me réveiller. Je crois que j'ai compris, ça y est, en bas c'est chaud, putain ça urge. Moi je finis tout seul pendant que tous les autres qui s'amusent. Ah, ah, ah, ah, ah. J'ai toujours peur qu'on me balise. Fonce-t-il même, j'suis confond, il me haïsse. Trop parano, la folie que j'arrête le cannabis. Gentil mais plus trop, passif dans le Q3. On s'appelle plus trop, mais hier il manque.